Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on décide toute dernière seconde d'inverser les thèmes. Donc on va vous proposer dès maintenant un voyage fantastique au cœur de la matière. Nous allons faire ce voyage avec Pauline Gagnon, que nous sommes très heureux d'accueillir ici à CKRL. Pauline Gagnon est physicienne et elle a participé à la détection du boson de Higgs. Et Pauline Gagnon aime aussi faire connaître ses découvertes au grand jour et les vulgariser pour les mettre à la portée de tous. Et dans ce sens, elle vient d'écrire un livre sur le boson de Higgs qui s'appelle « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver ?» Donc c'est tout un titre qui nous suggère qu'on peut se le mettre facilement à la portée. Et un livre qui vient de paraître aux éditions Multimonde. Et j'ai lu ce livre, je ne suis pas physicienne de formation, et en lisant, je me suis dit « Ah, c'est ça le boson de Higgs !» Car effectivement, il suffit d'un brin de curiosité pour comprendre ce qu'écrit Pauline Gagnon. C'est donc un tour de force qu'elle a accompli et on va voir comment elle s'y prend. Bonjour Madame Gagnon. Bonjour Valérie. Alors, vous nous faites rentrer en douceur dans le monde de la physique des particules et ce qu'on appelle le modèle standard. En quelques mots, comment est-ce qu'on peut décrire ce modèle et les bibites qui l'habitent? Alors, le modèle standard, c'est un modèle qui venait simplifier et expliquer de quoi la matière est faite. Et savoir quels sont les plus petits grains de matière qui existent et comment ces petits grains de matière interagissent entre eux pour se tenir ensemble et former de la matière. Et c'est pas tout à fait facile à imaginer parce qu'on ne voit pas les atomes ou à l'intérieur des atomes, les noyaux, les quarks, tout ça. Donc, c'est pas aussi facile. Si le monde était tout bâti en blocs Lego, ce serait facile parce que là, on peut défaire et arriver aux blocs, aux briques élémentaires. Mais avec la vraie matière, ben là, il faut briser les atomes, il faut briser les noyaux pour aller chercher les quarks et les électrons. Donc, le modèle standard, il est tout simple, il nous dit toute la matière est faite à partir de petites briques élémentaires, tout comme on bâtit des choses avec les blocs Lego. Sauf que ces petites briques-là, ce sont des quarks et des électrons. Et avec ça, on peut bâtir des protons, des neutrons, des atomes, et on reproduit tout ce qu'on voit dans l'univers. Oui. Donc ça fait, c'est un peu le préambule de votre livre, et ensuite vous en venez assez rapidement à la question de champ, donc comme le champ magnétique, le champ gravitationnel, et parmi ces champs, il y a aussi le champ de Brout-Engler-Higgs, je ne sais pas comment on le prononce, je vais vous laisser le dire et l'expliquer brièvement ce que c'est également. Alors, un champ en physique, c'est une entité qui affecte les propriétés de l'espace dans lequel on vit. Par exemple, lorsqu'on a un aimant, l'aimant, on ne voit rien autour de l'aimant, mais on sait très bien que si on vous achetez un petit aimant là, comme souvenir, et puis vous allez le mettre sur votre frigo, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Ouais. Donc, l'aimant va modifier l'espace autour de lui et d'autres corps, comme par exemple un morceau métallique va être affecté par ce champ-là, de telle sorte que l'aimant va venir se coller contre le frigo. Donc, ça modifie les propriétés de l'espace autour. Alors, ce que Robert Brout, François Engler et Peter Higgs ont fait, ce sont trois théoriciens qui, en 1964, ont proposé, parce qu'on avait des difficultés avec les équations qui décrivaient les particules fondamentales. Ces équations-là donnaient toutes des particules qui n'avaient pas de masse. Alors, ils ont proposé un mécanisme qui venait expliquer comment les particules acquéraient une masse. C'est important, la masse, parce que c'est une des propriétés qu'on voit à grande échelle. Donc, c'était une propriété importante. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte que le mécanisme, qui était juste une façon de rebrasser les équations, mais en fait, ça décrivait une entité réelle, un champ, des propriétés de l'espace qui sont apparues tout de suite après le Big Bang, tout comme les trois dimensions. On habite un espace qui est à trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Donc, tout comme notre espace contient des dimensions, quatre dimensions. Et donc, c'est ce champ-là, qu'on appelle le champ de Brout, Engler et Higgs, venait modifier l'espace, un peu le rendre comme visqueux. Et toutes les autres particules qui se promènent dans cet espace-là se prennent un peu les pieds dans les fleurs du tapis et n'arrivent plus à se déplacer à pleine vitesse, à la vitesse de la lumière. Donc, elles sont ralenties. Elles ont comme une impression de lourdeur. Elles sont beaucoup moins rapides qu'avant. Comme si elles étaient massives. Alors, en physique, ce qu'on appelle la masse, c'est justement la résistance au mouvement. Donc, les particules ne peuvent plus se déplacer à la vitesse de la lumière. Elles ont une résistance au mouvement. Donc, elles ont acquis une masse. Et ça, c'est à cause de ce champ de Brout-Engler-Higgs. C'est ça. Donc, le champ de Brout-Engler-Higgs, il modifie l'espace de telle sorte que les particules vont interagir avec ce champ et être ralenties. Donc, ils sont venus expliquer ça. Et le boson de Higgs, lui, c'est seulement une vague à la surface de ce champ. Donc, le champ, on peut l'imaginer un peu comme la surface d'un océan. Et vous savez qu'à la surface de l'océan, si on donne de l'énergie, par exemple, s'il y a un tremblement de terre, l'énergie du tremblement de terre va se matérialiser sous forme d'un tsunami. Oui, exact. Donc, de la même façon, on peut aller exciter la trame de l'univers et venir créer une vague à la surface du champ. D'accord. Comme une vague à la surface d'un un champ de blé là, avec le vent qui les fait onduler. Mm-hmm. Donc, et cette vague-là se matérialise sous forme d'une particule qui est hautement instable, qui va se briser en fragments. Et au CERN, justement, au Laboratoire européen de la physique des particules, qui est situé, c'est un immense laboratoire de physique qui est situé près de Genève, en Suisse. Alors, on a justement un outil très, très puissant, un accélérateur de particules qui vient fournir énormément d'énergie, assez pour venir exciter la trame de l'univers, produire de nouvelles particules. Et ces particules-là, on a des détecteurs pour venir en capter les fragments quand ils se brisent. Et là, on peut aller voir qu'est-ce qui s'était produit. C'est ça. Et donc là, ce que vous écrivez dans le livre, c'est qu'on ne détecte pas le boson lui-même, mais les fragments qu'il produit lors de sa désintégration, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, ça se produit un peu comme un mini-feu d'artifice. Ouais. Et puis, nos détecteurs, ils ont la forme d'une boîte de conserve, donc un cylindre avec des bouchons. Mm-hmm. Sauf qu'on a plusieurs épaisseurs, un peu comme des poupées russes, qui sont toutes emboîtées l'une dans l'autre. Chaque couche du détecteur est là pour aller chercher une partie de l'information, mesurer, par exemple, où sont passés les fragments, par où sont passés les fragments, combien d'énergie chaque fragment avait, est-ce qu'ils avaient une charge électrique ou pas, et leur vitesse, leur énergie. Donc, avec ça, on peut reconstruire. C'est comme autant d'indices pour trouver l'identité des fragments, des particules. Exactement. Et selon, donc, ces particules, on se dit, ça colle à la désintégration. Exactement. Et puis, on en accumule plusieurs. Et puis, finalement, on finit par avoir une bonne idée de ce qui se passe. Oui, parce qu'en fait, ce que vous écrivez, c'est qu'il y avait deux détecteurs qui travaillaient pour détecter ce boson de Higgs. Donc, il y avait l'ATLAS et le CMS, je crois. Donc, deux équipes qui travaillaient en parallèle. En parallèle et complètement dans le secret. Donc, c'est ça? Deux équipes travaillaient en compétition, en fait, parce qu'on voulait tous les deux être les premiers, les premières à découvrir quelque chose. Mais au final, on est arrivés ensemble à la ligne d'arrivée. La découverte a été annoncée par les deux expériences en même temps. Et c'était extraordinaire et nécessaire parce que Être influencé par l'autre équipe. Oui, mais c'est aussi parce qu'on avait deux instruments de mesure complètement différents, des gens avec des approches différentes, et on trouve exactement la même réponse. Donc, ça c'est beaucoup plus probant. Ouais. Exactement. Ouais. Donc là, on pouvait y croire. Ouais. Mais quand c'est un travail d'équipe, on s'entend que c'est pas juste 4 ou 5 personnes, là, c'est des milliers de personnes, finalement. Voilà. Oui. Chacune des équipes avait 3000 chercheurs, chercheuses qui s'activaient, des scientifiques qui travaillaient depuis une vingtaine d'années pour arriver à concevoir, bâtir, assembler, déboguer, faire fonctionner des détecteurs. Donc c'est un modèle de coopération scientifique assez particulier avec beaucoup de tout pays et des milliers de dollars aussi derrière. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'au CERN, il y a 67 pays différents qui collaborent au CERN. Donc 67 pays qui envoient des scientifiques travailler là-bas. Donc c'est vraiment un modèle de coopération internationale incroyable. Alors dans mon livre, je ne parle pas seulement de la science qui c'est est ça. Fascinante et vraiment extraordinaire ce qu'on fait. Mais c'est aussi toute cette aventure scientifique, humaine. Et je montre aussi que toute la recherche qu'on fait, le boson de Higgs, on ne fera probablement jamais rien avec. Tout ce que ça fait, c'est augmenter la connaissance humaine, ce qui est déjà beaucoup. Alors, on peut tous aller se coucher un peu moins niaiseux ce soir, parce qu'on l'humanité en connaît un peu plus sur l'univers dans lequel on habite. Mais surtout, en faisant cette recherche, on développe des technologies, des techniques, et on fait vraiment toutes sortes, on y trouve toutes sortes d'applications. On apprend même à travailler ensemble. Oui. Et donc, on forme une main-d'œuvre hautement qualifiée et ça contribue aussi à la paix mondiale à travers cette collaboration scientifique. Et il y a beaucoup, beaucoup de retombées au niveau. Et que tout le monde. Par exemple, vous nous écoutez en ce moment. Alors, ça, c'est grâce à des ondes électromagnétiques qui partent d'ici de la station et qui se rendent dans votre appareil radio. Vous pouvez nous entendre. Alors, ça, c'est le fruit des recherches de physiciens et physiciennes qui sont faits il y a 100, 200 ans. Et c'est aujourd'hui, tout ça est mis en application. Même chose avec la recherche sur les électrons dans le siècle passé. Et au CERN, la plus belle découverte qu'on a faite, ce ne sera pas le boson de Higgs, mais le web. Ah, c'est là que ça a été inventé. C'est vrai. Et c'est ça qui sera le plus utile à l'humanité. Et on a pu développer le web et on a fait cadeau à l'humanité sans demander des droits d'auteur ou des copyrights ou des brevets parce que on voulait, ça a déjà, la recherche a été payée par des fonds publics et on voulait en faire profiter à tout le monde. Et essayez d'imaginer votre quotidien sans web, sans téléphone portable, sans électronique, sans ordinateur. Ça va changer, La physique, la recherche en physique change la vie des gens. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est une des raisons pour laquelle je tenais à partager avec tout le monde qui ont une certaine curiosité, toutes ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus. Parce que c'est payé par les deniers publics. Donc, c'est important que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis en plus, c'est tellement fascinant ce qu'on fait, à mon avis, que ça vaut la peine aussi d'en faire partager, de le faire partager avec Puis c'est tout jamais, on vous dit qu'on n'en fera jamais rien du boson de Higgs, mais qui sait ce qu'on en fera dans 50 ans, là, c'est difficile de se projeter comme ça. Exactement. Parce que là, ça ne marque pas la fin d'une recherche, le boson de Higgs, il y a d'autres choses qui se poursuivent. D'ailleurs, on va remettre le LHC en marche ce printemps. Oui, alors dans un mois ou deux, on va commencer à fonctionner avec beaucoup plus d'énergie qu'avant. Alors, beaucoup plus d'énergie, ça veut dire qu'on peut produire des particules beaucoup plus lourdes. Donc, on sera peut-être en mesure de produire de nouvelles particules qu'on n'a jamais vues. Et on sait, c'est ça qui est le plus extraordinaire, que tout ce qu'on sait maintenant n'explique que 5 % du contenu de l'univers. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment ahurissant. Il y a énormément de matière et d'énergie dans l'univers dont on ignore complètement la nature. Il y a ce qu'on appelle de l'énergie sombre et de la matière sombre. Et tout ça forme 95 % du contenu de l'univers. On en détecte les effets à travers... C'est presque vertigineux qu'il y ait toute cette... Alors, tout ce qu'on a fait comme travaux, c'était pour seulement expliquer 5 % du contenu. Alors, on sait qu'on doit trouver plus. Alors, les jeunes qui s'intéressent aux sciences... Allez pas croire que tout a été trouvé, au contraire. C'est que des portes ouvertes. Il y a tellement de choses à aller découvrir. Puis juste rapidement, en terminant, je voudrais souligner aussi que vous terminez le livre sur un chapitre très humain avec toute la participation humaine et aussi un coup d'œil sur la participation féminine, la place des femmes en sciences. J'ai d'ailleurs trouvé curieux, parce que sur les centaines de pays qui participent, j'ai trouvé curieux d'ailleurs que c'était la Turquie qui avait envoyé la plus forte proportion de femmes sur les 159 physiciens, physiciennes, il y en a 33% de femmes. Et c'est ce pays-là, la Turquie, qui envoie la plus forte proportion féminine. J'ai trouvé ça assez curieux. Puis que nous autres, les pays occidentaux et riches, on n'est pas forcément les mieux placés là-dedans. Non, pas du tout. C'est très, très surprenant de regarder tout ça. Et c'est très sympa. Et vous insistez aussi sur le besoin de cette diversité, quelle qu'elle soit, pour enrichir le processus de création, de créativité scientifique. Donc, il faut vraiment... La science est encore majoritairement faite par des hommes d'origine caucasienne. Donc, 80 % d'hommes d'origine et 80 % de personnes d'origine caucasienne. Donc, plus on va ouvrir la science à tout le monde, on va encore enrichir davantage. Oui. Vous êtes vraiment passionnante à écouter. Puis, je pense que vous avez une annonce à nous faire parce qu'on va pouvoir aller vous écouter le mardi à l'Université Laval. Oui, mardi 10 mars. Ouais. Alors, je vais donner une conférence publique à l'Université Laval, au pavillon Vachon. C'est à la salle 3820, donc 3820, pavillon Vachon, à 19h30, mardi 10 mars. Et le thème, vous allez voir, c'est assez surprenant. On n'a encore pas dit un mot là-dessus. C'est vrai. Mais c'est sur les contributions de la première femme d'Albert Einstein, Madame Mileva Maric Einstein, aux travaux de son mari. En fait, vous allez voir, comme je vais expliquer, tout ce que Albert Einstein a fait dans les premières années de sa vie, dans les 15 premières années de sa vie active, il l'a fait en collaboration avec sa femme. Et pour toutes sortes de raisons historiques, sociales et autres, ça n'a... Elle est restée dans l'ombre. Elle est restée complètement dans l'ombre. Il a eu la gloire et elle... rien. Ouais, alors, vous allez la mettre en lumière. Exactement. Ouais, très bonne idée. Très bonne idée. Alors, justement, parce que la science aujourd'hui, c'est vraiment un truc de collaboration. Et la science, c'est vraiment quelque chose qui se fait en collaboration. Et c'est important de montrer, de donner le crédit à tout le monde. Bien, on va aller vous écouter mardi, donc, au pavillon Vachon à l'Université Laval à 19h? 19h30. D'accord. Salle 3820. Ouais. Alors, merci beaucoup, Madame Gagnon, d'être venue partager votre passion à Futur Simple. On le sent que ça vibre, la façon merci dont vous votre en parlez. Invitation. Et d'écrire aussi et de parler de la physique en mots simples, comme on peut le lire, donc, dans ce livre, Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver? Un livre récemment paru aux éditions Multimonde. Je rappelle que Pauline Gagnon est physicienne dans l'équipe Atlas du CERN. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Merci. Et c'est maintenant l'heure d'une rapide pause publicitaire avant d'accueillir Adèle Mazurek qui va nous parler du tatouage. Vous êtes sur CKRL au 89.1.